Isanganiro. Jean Bosco, Douimane. Bonjour à vous tous et merci d'être avec nous dans ce journal dont voici les grands titres. 6 mois après les élections générales au Burundi, le parti UPRONA dit poursuivre ses activités politiques à la base, même si les moyens financiers font quelquefois défaut. Et au parti CNL, on regrette que l'espace politique ne leur soit pas toujours favorable. Vous les entendrez. Et 2 fillettes de moins de 5 ans ont été violées le week-end dernier en commune Murambi de la province Rumonge. Un des présumés auteurs de cette infraction est dans les mains de la police, alors qu'un autre est en cavale. Ils seraient tous des domestiques, d'après les témoignages des voisins, des victimes. Le taux d'abandon scolaire dans les écoles fondamentales était de 10,2% pour l'année scolaire 2019-2020, d'après le professeur Joseph Ndaï Saba, qui explique que cette situation est consécutive à la précarité des familles. Et dans la chronique « Parlez, rassure-moi » sera à la fin de ce journal. Un psychologue nous expliquera que le traumatisme de quelqu'un conduit à la haine contre ce que la victime considère comme en étant responsable. Voilà pour le sommaire. Bonjour. Le parti UPRONA dit continuer à suivre la gestion du pays dans différents domaines de la vie du pays après 6 mois de la tenue des élections au Burundi. Olivier Nkurunziza, secrétaire général et porte-parole de ce parti, affirme que les partis politiques ne sont pas aussi actifs sur terrain après la période électorale. Il indique que les activités du parti, de son parti, se poursuivent à la base, même si selon lui, cela exige beaucoup de moyens financiers. Suivez Olivier Nkurunziza au téléphone avec Linibel Niwigira. Après les élections, on a constaté qu'au Burundi, beaucoup de partis politiques abandonnent carrément leurs activités. Mais au sein du parti UPRONA, nous continuons d'encadrer nos membres, effectivement au niveau de la base, dans les communes, dans les provinces, les différentes réunions des comités, pour évaluer d'abord les élections, mais aussi pour contribuer dans la vie du pays. Vous voyez que le pays doit intervenir dans beaucoup de domaines, quel que soit le domaine politique, économique et social du pays. Et nous avons nos représentants à la base. Ils doivent contribuer toujours et donner la position du parti. Mais aussi le parti UPRONA contribue à travers ses élus, quel que soit au niveau des conseils communaux, au niveau des députés, mais aussi de quelques membres de du parti UPRONA qui sont dans le gouvernement. Ils doivent toujours tenir compte de notre vision, de contribuer selon les informations données par nos membres, mais aussi par les Burundais. Nous sommes à l'œuvre. Je pense que le parti UPRONA ne peut pas manquer à contribuer dans la vie de notre pays. Sur le terrain, vous savez, nous avons nos comités, les membres des comités. Nous avons les comités communaux, les comités provinciaux, même les bureaux exécutifs au niveau national. Chaque fois, au niveau de ces bureaux, au niveau des comités, nous avons le statut du parti qui montre comment on s'organise. Nous continuons de travailler d'une façon ordinaire et pour s'accrocher sur les questions de l'air, qu'elles soient politiques, économiques, mais aussi sociales du pays. Olivier Nkurunziza, secrétaire général et porte-parole du parti UPRONA. De son côté, le parti CNL dit que ses activités politiques se poursuivent dans le renforcement des capacités de ses dirigeants. Comme déclaré par le député Agathon Rwasa, président de ce parti, l'espace politique sur terrain au Burundi n'est pas toujours favorable pour les membres du parti CNL. On l'écoute. Dans le calme, oui, parce qu'on ne devrait pas être agité. Nous restons donc tranquilles, nous faisons ce qui est conforme à la loi. Mais je dois vous dire qu'il y a des administratifs qui se prennent toujours au-dessus de la loi. Ainsi, par exemple, pas plus tard qu'avant-hier à Outihinda, l'administrateur a chassé nos militants qui étaient à la permanence pour un atelier, prétendant qu'ils n'avaient pas été avisés, qu'ils n'avaient pas reçu d'écrit pour lui dire l'ordre du jour de réunion et je ne sais quoi encore. Alors que la loi ne le dit pas ainsi. Et ce n'est pas qu'à Outihinda seulement, à Bujumbura Lirare, ça s'est produit à Mutimbuzi, à Ruyigi, il y a une permanence qui devrait être inaugurée il y a quelques semaines, ça n'a pas pu avoir lieu, parce que les administratifs ont plutôt cherché à utiliser la violence contre nous. Et pour nous, nous disons, il faut toujours la retenue, on ne doit pas donner un alibi à quelques exactions de la part de certains administratifs. Donc, nous faisons ce qui est conforme à la loi. Et les gens devraient comprendre que le CNL n'a pas de médias, n'a pas de radio, n'a pas de télévision, mais que les gens comprennent que nos droits restent nos droits et que nous faisons ce que nous jugeons que c'est faisable en veillant à ce que la stabilité et la quiétude de tout un chacun soient toujours garanties. C'était Agathon Rwasa, président du parti CNL. Et en bref, le Sénat burundais vient d'approuver à l'unanimité à Gitega les membres permanents et non permanents de la Cour constitutionnelle. Valentin Bagorikunda, ancien procureur de la République, Emmanuel Nambouki, ancien ministre de la Défense nationale et des anciens combattants, respectivement approuvés président et vice-président de cette Cour. Et parmi les membres approuvés figurent 4 de l'ethnie Hutu et 3 de l'ethnie Tutsi. Les autres membres sont Nkurunziza Liboire, Habonimana Jeanne, Ntibazonkiza Salvatore, Mbaya Hagabed et Amani Jean-Pierre. Et comme je l'avais dit dans les titres, viol de 2 fillettes de moins de 5 ans en moins de 3 jours le week-end dernier en commune de Burambi de la province Rumonge. Les présumés auteurs de ces infractions sont tous des domestiques, selon les voisins des victimes. Alors qu'un seul présumé violeur a été arrêté, Silas Nduimana, coordonnateur provincial du Centre de développement familial et communautaire à Rumonge, demande aux instances habilitées à tout faire pour arrêter celui qui s'est enfui afin que justice soit rendue aux victimes. Jean-Pierre Misago. L'une de ces fillettes, âgée de moins de 3 ans, a été violée le soir de ce vendredi. L'accusé, dans ce cas, et leur domestique de 20 ans, attrapé en flagrant délit par son patron, qui l'a sérieusement giflé, selon des sources des voisins et des défenseurs des droits des enfants à Burambi. L'accusé a pu se sauver, il est sans certain de ses habits, profitant du retrait momentané de son patron, qui appelait sa femme selon ces mêmes sources. Mais moins de 3 jours après, une autre fillette de moins de 5 ans d'une autre colline a été violée à la mi-journée de ce dimanche par un domestique d'un voisin âgé de 28 ans ayant profité de la solitude de cette fillette. Le présumé auteur a été immédiatement arrêté puis remis à la police selon des sources sur place. Silas Nduimana, coordinateur du Centre pour le développement familial et communautaire en province Rumonge, dit que ce phénomène doit être stoppé dans l'urgence. Pour cela, Silas Nduimana demande aux autorités compétentes d'arrêter ce domestique en cavale et de le traduire et de les traduire tous les deux en justice pour des punitions exemplaires. Cela contribuerait, selon lui, d'éradiquer ce phénomène. Quant à elle, l'administrateur communal de Burambi dit avoir déjà ordonné la tenue depuis la sous-colline des réunions dans l'optique de stopper ce phénomène. Jean-Pierre Misago de Purumonge, Radio Isanganiro. Merci Jean-Pierre Misago. Vous voudrez bien nous excuser pour ces quelques erreurs de nettoyage de cette correspondance. L'administrateur communal de Gashikanwa menace de sanctionner les responsables de déforestation d'une superficie de plus de 30 hectares sur les collines Maruri et Gatukuza de cette commune de la province Ngozi. L'administration collinaire accuse la communauté Batwa vivant sur ces collines de couper ces arbres pour les vendre au chef-lieu de la province à ceux ayant des chantiers. Et certains de ces Batwa qui semblent reconnaître ces accusations disent qu'ils le font pour vivre car ils n'ont pas de terres cultivables. Et Théophile Niwizi déplore même que ceux en possession de l'open de terre ne cessent de les vendre ces jours-ci. Apollinaire Mozagara. Ces collines Maruri et Gatukuza sont actuellement nues. Il n'y reste aucun arbre sur plus de 30 hectares de terre. Presque la même chose sur la colline proche de Nyarugund, Ernest Miburo de Maruri, un des responsables chargés de la protection de ces arbres, reconnaît l'échec dans leur mission. Il explique cette déforestation par le fait que ces batois coupent ces arbres la nuit et opère en groupe de beaucoup de personnes, difficile donc à approcher pendant la nuit. Même si bon nombre de ces citoyens semblent nier ces accusations, certains expliquent cette déforestation comme leur moyen de survivre, arguant qu'ils n'ont pas de terre pour cultiver. Ils demandent par conséquent des terrains, notamment selon eux, ceux récemment récupérés par le service foncier communal, qui étaient illégalement dans les mains des particuliers. L'administrateur de la commune Gashikanwa envisage de commun accord avec les représentants de ces batois des séances de sensibilisation pour que cette malfaisance cesse et de sanctionner après les récalcitres. Théophile Nibizi, indique même que des enquêtes sont en cours en vue de l'identification des acheteurs de ces armes qui travaillent de mèche avec ces bateaux. Des sanctions sont aussi envisagées à leur endroit s'ils ne tracent pas l'origine des armes qu'ils achètent. À ceux qui réclament des terrains vacants, l'administrateur de Gachikanoa répond que la commune n'en dispose plus. Il déplore plutôt la vente de telles propriétés foncières devenue monnaie courante chez certains des membres de cette communauté. Des mesures à leur égard seront bientôt, selon lui, prises. Dogashikanoa en province Ngozi, Apollinaire Muzagara, Radio Isanganiro. Merci Apollinaire Muzagara. Et les habitants des quartiers Mutanga Sud et Mugoboka, en commune urbaine de Mukaza, apprécient positivement les travaux de réfection de l'avenue Sanzou et de stabilisation des berges de la rivière Nahangwa. Ils demandent que d'autres endroits menacés soient réhabilités. Et les travaux faits ayant été provisoirement réceptionnés le 9 décembre de cette année. Mireille Kanyang. C'est sur un linéaire de 351 mètres côté Mutanga Sud de Mugoboka et Mutanga Nord que les travaux d'urgence de stabilisation des berges de la rivière Nahangwa et la route reliant le quartier Mutanga Sud au quartier Mugoboka ont été effectués. L'avenue Sanzou passe bien aujourd'hui et des bambous sont plantés de part et d'autre de la rivière Nahangwa. Égide Habonimana est taximène, il apprécie positivement les travaux effectués. On est satisfait du travail fait dans cette localité. J'étais préoccupé par la probable destruction des maisons, d'habitations, l'inaccessibilité de la route et autres. Franchement, c'est une très bonne action et nous en sommes fiers. Je peux témoigner que c'est la réalité. Quand on dit que nos impôts et taxes financent notre développement. Merci au gouvernement pour cet acte. Les habitants et propriétaires de parcelles dans ces quartiers jubilent pour une dame rencontrée en panier rempli de manioc sur la tête. C'est la satisfaction car cette route réhabilitée facilite ses déplacements et ceux des écoliers provenant surtout du quartier Mugoboka. Ce propriétaire de boutique à Mugoboka plaide pour la réhabilitation d'autres endroits menacés dans son quartier. À considérer l'état de cette route avant, c'était difficile de joindre Mugoboka via Mutanga Sud. Il y avait un ravet terrifiant. Les véhicules ne pouvaient pas passer. Même ceux qui se déplaçaient, si les motos et si les vélos, avaient du mal à passer. La circulation est aujourd'hui rassurante pour les véhicules. Ce qui est évident est qu'il y a d'autres coins qui nécessitent des travaux pareils. Même devant à Mugoboka, il y a des ravins qui terrifient la population. Ces arbres en plantation, nous voyons qui contribueront à la protection des berges. Sur financement du PNUD, ces travaux d'urgence de stabilisation des berges de la rivière Nahangwa, initiés par le gouvernement burundais, ont été réalisés par le groupe ASEK dès le mois d'août de cette année et viennent d'être provisoirement réceptionnés, c'était le 9 décembre de cette année. Et c'était un reportage de Mireille Kanyangé. Le taux d'abandon scolaire dans les écoles fondamentales est de 10,2% pour la précédente année scolaire 2019-2020. Et ceci ressort d'une étude qui a été exposée ce mardi lors de la revue sectorielle conjointe de l'éducation. Le professeur Joseph Ndayisaba, l'un des conférenciers du jour, a expliqué que ce taux d'abandon est dû principalement à la situation précaire des familles. Gaspard Banyangimbona, le ministre en charge de l'éducation nationale et de la recherche scientifique, préconise l'expansion à tout le pays du programme des cantines scolaires pour pallier ce problème. Reportage Armel Motore. Plus de 150 enfants ont abandonné l'école fondamentale l'année scolaire écoulée 2019-2020, ce qui représente un taux de plus de 10% des effectifs totaux. Séverin Yamouyenzi, secrétaire de l'Association nationale des parents d'élèves et d'étudiants, a réagi en pointant du doigt la responsabilité des éducateurs. Est-ce qu'il n'y aurait pas abandon scolaire à l'intérieur même des élèves qui seraient à l'école, mais qui n'y seraient pas en même temps parce qu'ils sont là, ils ne font rien? Le directeur provincial de l'enseignement à Tchanguzo pense plutôt que le problème se trouve au niveau des familles, que l'école ne fait qu'endosser la responsabilité de l'abandon scolaire chez les enfants. Pour ce qui concerne les abandons scolaires, je demandais à ce que les parents puissent nous apporter un bouquet tout fait pour nous montrer comment éradiquer ce phénomène d'abandon. L'école endosse l'abandon, mais la cause de l'abandon se trouve en famille. Répondant aux interrogations des uns et des autres, l'un des conférenciers, professeur Joseph Joseph Ndaï Saba a exposé que la principale raison de l'abandon scolaire est la pauvreté des familles. En 2018, il y a une équipe de cadres du ministère qui sont montés à l'intérieur, qui ont posé des questions aux différents partenaires pour s'enquérir effectivement des raisons qui pourraient expliquer ces abandons parfois massifs de la pauvreté des parents qui obligent les parents à envoyer des enfants gagner un peu d'argent gauche à droite. Ils ont constaté que beaucoup d'enfants quittaient l'école à cause de la faim. Le ministre en charge de l'éducation préconise comme solution l'expansion du programme des cantines scolaires qui est appuyé par le programme alimentaire mondial. Le programme de cantines scolaires, c'est un programme qui est connu parmi les programmes qui nous aident à lutter contre l'abandon scolaire et à améliorer les performances scolaires. Mais malheureusement, il est beaucoup exigeant en termes de moyens et il est difficile de l'étendre en l'état. Nous avons le soutien de tout le monde. On a échangé sur cela avec nos partenaires du programme alimentaire mondial. Ils sont tout à fait d'accord. On va essayer de faire un plaidoyer pour plus de financement. Nous estimons qu'il sera possible d'étendre, pas sur tout le territoire en même temps, mais progressivement, je pense que si on se donne une certaine échéance, on pourra arriver à couvrir tout le territoire national par les programmes de cantine scolaire. Gaspard Banyangimbona ajoute qu'avec l'augmentation de la production des coopératives, son ministère pourra nouer des partenariats avec celles-ci pour fournir les cantines scolaires à travers tout le pays. Armel Motore, dans le reste de l'actualité en international, avant la chronique Parlez, rassure-moi. Le secrétaire général adjoint de l'ONU, Jean-Pierre Lacroix, a été reçu ce mardi 15 décembre par le président congolais Félix Tshisekedi. L'insécurité dans l'est du pays, la situation socio-économique difficile et les problèmes humanitaires ont été au centre des entretiens entre les deux hommes qui ont surtout abordé la manière dont l'ONU entend poursuivre son partenariat avec la RDC et aider les populations. Et pour ce qui concerne l'avenir de la MONUSCO, dont le mandat arrive bientôt à expiration, le numéro 2 de l'ONU a évoqué une stratégie graduelle de retrait en fonction de la situation sur le terrain, un terrain qu'il doit fouler durant son séjour en RDC, dans le Nord Kivu et l'Ituri notamment, province confrontée à des violences persistantes. Et le Conseil de sécurité de l'ONU se prononcera sur le sujet le 20 décembre prochain. Et alors que le Premier ministre malien Mokhtar Wane s'arrachait les cheveux pour trouver un accord avec l'Union nationale des travailleurs du Mali, une sortie du président de transition a mis du sable dans la machine. En effet, devant ses compatriotes à Abidjan, Bah Ndaw a ce lundi 14 décembre jugé la grève inopportune. La principale centrale syndicale du pays n'a pas du tout apprécié et a durci le ton. L'organisation syndicale a donc suspendu sa participation aux rencontres de négociation avec le gouvernement pour trouver une issue à la grève en cours. Et les syndicalistes vont plus loin. Ils laissent clairement entendre qu'ils pourraient désormais travailler main dans la main avec des partis politiques contre le pouvoir central. En attendant, selon l'économiste malien Modibo Mao Makalou, la grève de 5 jours en cours pour exiger une revalorisation salariale va coûter à l'État entre 150 à 200 milliards de francs CFA de manque à gagner. Parle, rassure-moi. Le traumatisme de quelqu'un entraîne la haine envers ceux que la victime considère comme responsable de son état, ce qui conduit aussi à la prolifération des messages de haine. Selon le professeur Jean Bosco Ndayishimiye, psychologue, la victime peut à un certain moment songer à la vengeance. Pour lui, les personnes traumatisées ont besoin d'aide pour sortir de cette situation. Et quant aux politiques, il leur propose d'aménager les bases d'une réconciliation solide pour lutter contre le traumatisme et ses conséquences. Oban Nyankuru. Le traumatisme dû aux événements malheureux qu'a connu un pays peut conduire à la prolifération des messages de haine. Selon le professeur Bosco Ndayishimiye, il y a une hiérarchie de traumatisme selon des causes. Certaines situations peuvent entraîner une peur passagère, tandis que d'autres peuvent causer une peur intense, donc le traumatisme. Il faut savoir que le trauma entretient la haine. Celui qui a été traumatisé va toujours répéter à longueur de journée, à longueur de temps, les tristes événements coloriés même, avec une tendance même à l'exagération. Donc, il dépeint la situation comme si elle était encore fraîche, présente. Et celui qui n'a pas donc la capacité de faire le discernement, il va avaler la version assez peinte dans la manière délibérée de celui qui joue le rôle de la victime. Il suffit de la volonté délibérée et soutenue de d'entretenir un climat de paix, un climat de cohésion sociale. Ces moments de suspicion, de peur de l'autre et de peur constante de mourir suite à la violence issue de son voisin, bref, de ce qu'on appelle ennemi, eh bien, ça peut être apaisé, mais ça dépend de la volonté et sociale, et communautaire, et surtout que les politiques s'emploient beaucoup à développer, à privilégier un langage rassembleur. À force de se lamenter et de développer la haine, la victime peut lui aussi devenir oppresseur. Le professeur Bosco Ndayishimiye indique que les personnes sous traumatisme doivent être accompagnées. Quoi qu'il en soit, quel que soit l'événement qui a déclenché un traumatisme, c'est ce sentiment de désespoir, de choc qui affecte la vie de l'individu, qui a frôlé la mort, ainsi de suite. Bien, ça c'est faisable. Mais le grand remède, je pense que c'est l'assainissement du tissu social. Il propose aussi à la communauté d'intégrer les personnes qui souffrent du traumatisme, car, dit-il, elles ont besoin de l'aide. Aux personnes traumatisées, ils ont besoin de l'aide. Il y a des spécialistes, mais la communauté doit faire preuve de compréhension et d'accompagnement de leurs proches. Ce n'est pas normal que quelqu'un qui vit le délire des mauvaises situations, des scènes qu'il a vécues depuis 40 ans, reste isolé seul. Les églises, les leaders sociaux ainsi que les politiques doivent promouvoir le dialogue de paix pour prévenir les violences cycliques, dit le professeur Bosco Ndayishimiye. Merci Aubin Niyonguru, merci professeur Bosco Ndayishimiye pour ces éclairages. Ainsi se referme ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Merci à toute l'équipe de la rédaction qui m'a aidé à le réaliser. Ce journal a été mis en onde par Toussaint Mitebouti. Au micro Jean Bosco Ndouimana, passez un très bon après-midi à l'écoute de nos programmes.